Migraine infernale. J'ai une migraine infernale. C'est comme s'il y avait un métro qui me traversait la tête. Je prendrais bien de l'aspirine, mais lorsque j'en prends, la migraine s'arrête, mais le métro aussi. Alors il y a des gens qui descendent. Ça fait un ramdam à l'intérieur. J'ai les oreilles qui sifflent. Alors dès que les oreilles sifflent, les portes se referment, le métro repart et la migraine revient. Infernale.